vais au rang de roi de la trappe. Ta nuque, perds pas le temps, j'attaque. Hey, hey, j'vends de la frappe, baisse comme un orange quand j't'attrape. Hey, yo, yo, yo, j'm'appelle fort. Si t'es ton daron, t'as peut-être chance. Parce que comme un bitron, t'as cette fort. Hey, hey, j'suis en veille, surplanté dans l'ombre. Hey, hey, hey, j'ai la tête dure et les dents longues. L'argent fait les horribles amis. Avec les liens, j'fais des origami. Capuché dans l'hall, cadaphilisé comme en Mauritanie. Si t'as un gros coup, côté en cours. Si mon produit soupe à la tour. Le soleil s'essouffle dans sa tour. J'garde un œil sur les cris de la grande ours. Hey, hey, on est tous brossons, c'est la famille. Gang, gang, j'm'occupe de mon Glock comme un membre de ma famille. Yankee, font les allers-retours. Ouh, comme les baraques. On a que des 10 ou on a que des 20 pour ça. Pas besoin d'être un marateux. Rentre dans ta